Deuxième partie, soyez les bienvenus. Vous avez fait un bon voyage? Excellent. Vous avez été prudent, j'espère. Nous n'avons pas passé le sang. Oh, ne mens pas. J'ai regardé le compteur et tu as fait du 110. Inutile d'essayer de me mentir. Ce n'est pas vrai. Allons, vous n'allez pas vous disputer. Vos amis veulent certainement se laver et se rafraîchir un peu. Marie-Claire, va leur montrer leur chambre. Mais non, c'est à toi de leur faire les honneurs de ta maison. Montre-leur le chemin. Vous vous êtes arrêté, j'espère. Oui, nous nous sommes arrêtés à moitié chemin et... Bon, alors j'ouvre la marche. Vous êtes très bien installé, monsieur Julliard. Oh, vous savez, c'est loin d'être parfait. J'aime bricoler. Mon oncle fait tout lui-même. Il est à la fois cultivateur, jardinier, menuisier, cuisinier.